Viens voir chez moi, y'a des harbis, des vrais qui pètent la dalle. J'côtoie tous des Français, oui, même des carlouches du Sénégal. J'ai pas la dégaine, chape ma gueule, papa de la tienne, t'as la gueule. Que des fusées comme Gareth Bale qui viennent tout droit du pays de Galles. C'est pas ratard, tourner en deux roues l'hiver quand il caille. De quitter le quartier tranquille, puis d'entendre que sur toi ils parlent. C'est normal, j'suis parano, parce que c'est comme ça par ici. T'as beau donner ton amour, on t'accusera de jalousie. De vieille mouille, parce que soi-disant t'aimes bien les intérêts. J'préfère te voir intérimaire que de voir trimer pour un terrain. Qui t'oubliera une fois en tôle, chacun son tour, c'est un par un. En cellule, c'est deux par deux, c'est trop la merde quand t'as rien. Et toi t'aimes bien quand ça t'arrange, mais tu détestes quand ça réclame. Quand t'es bien, tu fais du haram, et quand t'es mal, ça t'enricane. 2019, un polygame, gros, y'a quoi se faire câliner. Elles me disent tout, t'as du charme, mais plus que c'est dans le noir au ciné. Gros débrouillard comme Sinote, la classe comme Fernando Soutré. Les grands chez moi m'ont dit l'allemand, hésite pas, faut les découper. C'est maintenant que t'es écouté, le rap la rue, chacun son cours. Ma mère veut que je l'écoute, elle veut plus que je reste en bas de la tour. Mais je continue, je fais le sourd, et j'ai sa confiance, ça c'est sûr. Si j'entends de mal, ça va plus, je fracasserai ma tête sur un mur. Condamné à des peines de fou, je compare Younes et Fofana. 18 agneuses dans la totée, c'est plus Corba, c'est Tijuana. 69 la pyramide, plus de 100 traîtres à l'horizon. Sont souvent en temps, mais persuadent vite qu'ils ont raison. Le cerveau qui est sous résine et sous vignon à l'occasion. Ils claquent leur paix au casino et vivent la hesse et 4 saisons. Et qu'une bonne affaire à saisir parce que les anciens ont tout pris. Qu'on compris, sont repentis, d'autres n'en finissent pas en zompris. Être la victime d'un complot ou le ZNN qui commandit. Pas de commando aux alentours que des vieux lachels comme on dit. Dans leur tête, c'est un bazar à force de miser sur Bazir. Quand petit t'es un bâtard, souvent ça reste en toi à vie. Un point au cœur aux arrivants, un faux sourire dans les parloirs. Des trafiquants, des grosses poucaves qui n'ont plus que les télés à voir. Sont à fond dans le parleur, fait coller la SS au couloir. Noir en tôle, c'est la couleur, tellement tu crois avoir des mouchards. T'oublies les soucis sous mousseux, même que tes habits sont mousseurs. C'est en chien que finissent les faux culs, tous ces vrais commères. Trouver le petit comme un comique, un jour tu verras sa colère. Dans la zupe que des colures, la plupart méritent des molars. Je vais pas dire que je suis exemplaire parce que ma musique prend ampleur. J'écoute les paroles de mon frère, toi tu chantes toutes les miennes en cœur. Trouver le petit comme un comique, un jour tu verras sa colère. Dans la zupe que des colures, la plupart méritent des molars. Je vais pas dire que je suis exemplaire parce que ma musique prend ampleur. J'écoute les paroles de mon frère, toi tu chantes toutes les miennes en cœur. Ils font les fous mais sans les sous. Ça fait un trou, tu donnes ton cul. Ils font marrer ces faux voyous. T'es dans le rap qui cherche une réfute. Ils font les fous mais sans les sous. Ça fait un trou, tu donnes ton cul. Ils font marrer ces faux voyous. T'es dans le rap qui cherche une réfute.